Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de Rock Progressif. Vous écoutez Rock de Neurones et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley sur les ondes de C'est Fou, de FM 89.1 à Trois-Rivières. Et aujourd'hui, à l'émission, on va avoir ESP Project d'Angleterre, Phil Doran d'Angleterre, Nick Dvirgilio des États-Unis, Jerzy Antczak de Pologne, Mesmerizing d'Italie. On ira en Finlande avec Kimmo Porsti. Ensuite, un petit détour en Italie avec la Maschera di Scera. Un retour dans le passé avec Arzakel. On aura une nouveauté de l'Allemagne, un groupe du nom de Caraba. Et on va conclure avec Eloy Frisch du Brésil. Alors, comme à l'accoutumée, on a le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, le groupe que je vous propose, c'est ESP Project. Et comme son nom l'indique, c'est plus un projet qu'un groupe. En fait, c'est un agrégat, si je peux me permettre l'expression, de musiciens qui proviennent originalement de King Crimson, Van der Graaf Generator, il y a Procol Harum là-dedans, Landmark, Life Science. En fait, c'est tout ce beau monde-là tourne autour d'un multi-instrumentiste du nom de Tony Lowe. Et ça devait être le projet d'un seul album, mais à cause du succès inespéré qu'ils ont obtenu, eh bien, on en est rendu au quatrième album studio qui vient tout juste de sortir. D'ailleurs, c'est Phenomena. Alors, cet album-là, c'est une collection de 7 morceaux et pour un total de 51 minutes 35. Et la particularité de l'album, c'est que j'ai aucun des musiciens que j'ai nommés auparavant qui participe à l'effort. C'est plutôt l'œuvre du multi-instrumentiste Tony Lowe qui fait tous les instruments et qui aussi chante la plupart des chansons, excepte deux pièces là qui sont destinées à deux autres chanteurs que je connais pas de toute façon. Alors, on y va tout de suite avec ESP Project et trois extraits de l'album Phenomena. On aura Fear of Flying, Sleeping Giants et 7 Billion Tiny Sparks. The days of damage done, burning our wings to reach the sun. High on a ledge, not letting go. One final leap, no net below. Let's travel ways and words unsaid. Signs along the road. The way is unmapped and so unknown. Let's travel ways and words unsaid. scattered landscapes in the cradle of uncertainty, hidden things. All teeth and wings. Finger painted genome edits blueprints to reality. We'll be right back. The world is changing. The world is changing so fast. Summer's leaving, winter's coming in so fast. 7 billion tiny sparks. 7 billion tiny sparks holding to each other, holding to each other, magnetized. My heart is beating, my heart is beating so fast. The universal shining example at last. 7 billion tiny sparks. 7 billion tiny sparks holding to each other, holding to each other, magnetized. Sleeping hearts and resting minds, floating right across the lines, streaming out into the sky, watching as we go by. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On va débuter le deuxième bloc avec un nouveau guitariste britannique du nom de Phil Doran. Il a un nouvel album, son premier, qui s'intitule Into the Unknown, et je vous propose la pièce Hit the Sky. Ensuite, j'ai Nick Dvirgulio, qui est le batteur du groupe Spock's Beard, qui vient de faire paraître son deuxième album studio du nom de Invisible. On avait eu, il y a une vingtaine d'années, l'album Karma. Alors, c'est son deuxième, et étant donné que c'est un gros nom, mais il faut s'attendre que la collaboration qu'on lui a apportée a été aussi de calibre. Ben, on se trompe pas. On a Jordan Rudess de Dream Theater qui joue du clavier. On a Jem Godfrey de Frost. On a Tony Levin de King Crimson, bien entendu. Jonas Reingold de Flower Kings, etc., etc. Alors, c'est un album qui a 14 pièces, et moi, je vous propose un extrait qui s'intitule « Turn Your Life Around ». Ensuite, on va aller du côté de la Pologne avec dénommé Jerzy Enczak, qui, en fait, est connu comme étant le guitariste du groupe Albion. Albion, qu'on a fait jouer à l'émission assez régulièrement. Et lui, Jerzy Enczak, ben, il a un album studio en 2014, qui s'intitule Ego Georges. En fait, il a un deuxième album aussi qui est paru en 2016 du nom de Georges String Theory. Mais là, je vous propose un amalgame de trois pièces que j'ai tirées de l'album Ego Georges. Alors, on débute ça avec Phil Doran. Yeah. Thank you. the same old face. They never smile, they never laugh. It's like they're dead inside. They look human with hair and skin. They eat and drink, but they're empty within. Automatons, puppets, zombies, they're dead inside. Get out. à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. On va aller du côté de l'Italie avec un nouveau groupe qui est dans le giron de Fabio Zuffenti. Le groupe s'appelle Mesmerizing et le nouvel album qui vient de sortir s'intitule The Clutter's Storyteller. Tous les musiciens qui sont sur cet album-là, à part du compositeur Davide Moscato, ce sont des membres de la Maschera di Chera. On a Fabio Zuffenti, Martin Grace, on a Giovanni Pastorino. On a aussi Paolo Tixi, l'excellent batteur qu'on a vu à la convention Terra Incognita il y a quelques années, et qui fait aussi partie du groupe Il Tempio delle Clessidre. Ensuite, avec un membre du groupe de Samurai of Prague, et j'ai nommé Kimmo Porsti. Lui, il vient de Finlande et il a publié son deuxième album studio il y a quelques mois. L'album s'intitule Wayfarer et encore une fois, Kimmo Porsti, c'est un autre musicien qui sait s'entourer. Il y a une vingtaine de collaborateurs là, sur l'album Wayfarer. On a Dave Bainbridge, majeur musicien. On a aussi Marco Bernard qui nous vient de Samurai of Prague et avec qui aussi il a fait deux albums sous le nom de Bernard and Porsti. Alors la pièce que je vous propose tirée de l'album Wayfarer, c'est Heaven's Gate. Et on va conclure avec le nouvel album de la Maschera di Chera. L'album s'intitule S.E.I. Et puis, ce que je vous propose, bien, c'est Vacuo Senso. Alors, on débute ça avec Mesmerizing. I open my eyes and all I see is the darkness around me. So Thank you. Sul pie êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. À la fin des années 60, Steve Village et Dave Stewart ont formé un groupe qui s'appelait Urel. Le groupe n'a pas un disque et il s'est dissous parce que Steve Village en a profité pour retourner aux études, tandis que Dave Stewart, lui, mettait les premiers balbutiements d'un groupe qui s'appela Egg. Bon, Egg a eu à un moment donné des problèmes contractuels avec la compagnie disque et ils ont retrouvé Steve Village après ses études. Et ils ont formé un groupe du nom de Arzachel pour contourner les problèmes de contrat qu'ils avaient. Et pour l'occasion, ben, ils ont trouvé des pseudonymes. Alors, vous ne trouverez pas sur Arzachel les noms réels des musiciens qui y ont participé. Alors, pour un petit rappel historique, je vous donne une pièce de l'album, le seul album qu'ils ont produit, l'album homonyme Arzachel, et la pièce est Garden of Earthly Delights. Ensuite, j'ai découvert récemment un groupe allemand du nom de Caraba. Et c'est un groupe qui fait un petit peu des genres variés, un peu de psychédélique space, un peu de krautrock, un peu de jazz fusion. Ça a donné un album qui est assez intéressant que j'ai découvert. L'album s'appelle Schwester Mondrial, qui est paru en 2018, et j'ai tiré la pièce Osmose. Et on va conclure avec un musicien brésilien, c'est un claviériste, c'est Eloy Frisch. Il a 13 albums depuis 1996, donc en 25 ans, on peut dire une fréquence à peu près de 2 albums par année. Et le plus récent, bien, il s'intitule Moment in Paradise. Et j'ai découvert là-dessus une pièce qui me fait beaucoup penser au... en tout cas, si ce musicien-là n'a pas été influencé par Keith Emerson, j'en serais bien surpris. La pièce est Silver Dream. Alors, on débute ça avec Arzachel, avec un petit clin d'œil au passé. Such grace that